premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire sur l'histoire des métiers qui naissent, se développent et meurent. Demain, nous nous interrogerons sur la volonté dans les années 70 de revaloriser les métiers manuels, comme on disait. En mercredi, nous nous poserons des questions sur l'invention des métiers de bureau. Jeudi, le documentaire d'Amélie Meffre et de Marie-Laure Ciboulet portera sur le métier de typographe. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir depuis les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon l'historien François Jarige. Il est maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, membre du centre Georges Chevrier. Il est historien des mondes populaires, d'histoire sociale, et spécialiste de l'histoire sociale, même du déferlement technique et de ses conséquences sur les sociétés du 19e et du 20e siècle. Il est l'auteur, entre autres, de Autant des tueuses de brin et de Technocritique publié avec le sous-titre du Refus des machines à la contestation des technosciences aux éditions La Découverte. Et il a co-édité avec Emmanuel Furex le livre qui s'intitule La modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle français également à La Découverte. Que sont donc devenus la ramailleuse de bas, le crieur de journaux et la loueuse de chaises? Où donc se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteau et le sucreur de fraises? Qui donc les a revus, le vendeur de mourants, la porteuse de pain et le montreur de vue? Ils ont bien disparu, le grilleur de marrons, l'écorcheur de lapins et le chanteur des rues. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Autrefois, dans nos rues, on y trouvait aussi des colporteurs d'histoire et des marchands d'oubli. Et il y avait du rêve plein les petites voitures. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Que sont donc devenus la faiseuse d'embarras, l'accordeur de violon et la teneuse de jambes? Où donc se sont perdus la liseuse de drap, l'ensommeilleur de plomb et le violeur de gambes? Qui donc les a revus, l'écriveur de tartines, la vorteuse de choux et le fouteur de guignons? Ils ont bien disparu, le lâcheur de vitrine, la bourreuse de mou et l'encaisseur d'oignons. Bonjour François Jarige. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne vous interrogerai pas sur l'écorcheur de lapin, le sucreur de fraises, la marchande d'oubli, puisque ça n'est pas votre spécialité, mais plutôt de tous les métiers industriels ou pré-industriels sur lesquels vous avez travaillé depuis longtemps. Cette question des métiers est une question qui n'est pas toujours très au centre des préoccupations des historiennes et des historiens, même s'il y a beaucoup de monographies spécialisées sur certains métiers. Mais disons, dans sa vision un peu globale sur la façon dont on naît, se développe et meurt un métier, on a peu de travaux sur ces questions-là, même si, comme vous le faites, en s'intéressant à la modernité technique, on peut avoir quelques petites idées sur ses conséquences sur la société, en particulier de ses évolutions techniques. Oui. C'est vrai que la question des métiers, c'est une question complexe parce que ça renvoie à un ensemble de mondes disparus. D'ailleurs, la chanson de Juliette est assez significative. On voit bien qu'il y a une sorte de poétique du lexique disparu, de l'infinie diversité des mondes du travail. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que depuis les années 80-90, l'histoire sociale s'est quelque peu détournée de l'histoire du travail, du monde ouvrier. Mmh. Et dans les décennies auparavant, dans les années 70, ce qui dominait, c'était l'histoire du mouvement ouvrier. Oui. L'histoire de la lutte des classes, des grèves, de l'essor du syndicalisme. Or, l'histoire des métiers, ça renvoie davantage à l'histoire de pratiques professionnelles singulières, d'expériences de travail. Et c'est une question qui finalement intéresse presque plus aujourd'hui toute une série d'érudits ou de passionnés d'anciens métiers que les historiens à proprement parler. Et ça tient au fait, cette histoire d'une sorte d'une histoire générale des métiers est compliquée par le fait que les métiers ne cessent de disparaître, de se réinventer, de réapparaître, de changer de mots. Donc il y a une complexité qui tient à la fois aux sources, à la façon de les désigner et à la complexité qu'il y a à penser ensemble des activités professionnelles aussi diverses en réalité. Oui, et puis il faut bien nous dire que nous avons dans notre période très contemporaine, depuis maintenant une vingtaine d'années, avec l'arrivée de l'informatique, avec l'arrivée de l'internet, eh bien, des discours qui se développent sur la nécessité de changer de métier, de faire évoluer les métiers, la nécessité aussi d'imaginer que, comme on dit généralement dans une sorte de vulgate, eh bien, la moitié, voire les trois quarts des métiers qui seront pratiqués dans une vingtaine d'années ne sont pas encore connus. Donc, il y a véritablement cette idée que nous sommes dans un bouleversement technique qui aurait quelque chose à voir avec la révolution industrielle, même si ce thème de révolution industrielle est contesté par les historiens aujourd'hui. Un bouleversement technique tel que on va voir beaucoup de métiers disparaître ou se transformer si profondément qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qui était la pratique d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Oui, bah tout à fait. Selon certains prophètes actuels du numérique, nous sommes rentrés dans la troisième ou quatrième révolution industrielle. Et donc là, il y a une instrumentalisation de l'histoire qui est intéressante, parce qu'on sait bien que la première révolution industrielle n'a pas pris la forme qu'on imagine souvent. L'expression révolution industrielle elle-même, en fait, est née au moment où un certain nombre de métiers commençaient à être transformés, et il s'agissait d'accompagner ces transformations par tout un discours. Et il se passe la même chose aujourd'hui avec le numérique et la robotisation, qui n'est rien de plus, en réalité, à mon avis, qu'une nouvelle phase dans le processus séculaire maintenant d'automatisation du travail, avec deux discours qui s'opposent en permanence. D'un côté, les prophètes, les enthousiastes, qui considèrent qu'il faut faire disparaître tous les métiers qui ne sont que des routines anciennes qui freinent le progrès, la croissance, etc., et qu'il faut les éliminer. Et donc, ceux-là mettent en avant le fait qu'il va y avoir une multitude de nouveaux métiers qui vont apparaître. Puis, de l'autre côté, il y a un discours, évidemment, plus critique, plus sceptique, qui, à la fois, met en cause le chômage de masse qui se met en place et met en cause aussi, sur le ton un peu nostalgique, la disparition de toute une série de savoir-faire, d'univers professionnel, de formes de sociabilité qui caractérisaient les sociétés anciennes. Mais je pense que, bon, puisqu'on est dans une émission d'histoire, la multitude de discours d'enquête aujourd'hui sur la disparition des métiers s'inscrit vraiment dans une sorte de mouvement cyclique qui revient de façon récurrente à chaque génération depuis 200 ans, au moment où s'accélèrent les transformations techniques et les mutations du monde du travail. Alors vous avez dit depuis 200 ans, François Jarige, c'est important que de prendre ce terme-là, puisque d'après tous les travaux que vous avez pu mener, soit individuellement, soit collectivement avec beaucoup d'autres historiens autour des mêmes thèmes, eh bien vous vous êtes aperçu qu'il y avait une transformation profonde tout de même aux alentours du XVIIIe siècle, par exemple par la valorisation de l'innovation, l'innovation technique ou technologique, qui auparavant, dites-vous, était moins valorisée en tous les cas dans ce qu'on appelle les premiers temps des âges modernes, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle et encore peut-être un peu plus même au moment de la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, justement, sur ces bouleversements qui interviennent à partir du moment où on considère que l'innovation technique est quelque chose de positif? Alors, c'est une vaste question, mais... Bah allons-y, on a le temps. Allons-y. Alors. Donc, les mots que vous employez, là, la technique, la révolution technologique, la mécanisation, le machinisme, il y a tout un langage, l'innovation, sont des termes qui changent complètement de sens entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Il faut bien voir qu'au XVIIIe siècle, par exemple, le mot technique ne renvoyait pas à des outils de production permettant un accroissement de la productivité, ou ne renvoie pas à des grandes machines permettant de transformer complètement les conditions de travail, mais la technique renvoie davantage à un savoir-faire. C'est-à-dire que la technique, c'est aussi bien la possibilité d'apprendre, l'art de se remémorer un poème, que le fait de travailler sur un outil, avec une machine. De même, l'innovation, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était un mot qui était connoté de façon péjorative, qui était vu avec méfiance. L'innovation, c'était ce qui risquait de perturber l'ordre social installé. avec le XVIIIe siècle, l'innovation change complètement de sens, comme la technique, pour devenir, en fait, pour acquérir leur signification contemporaine, c'est-à-dire avec des mots qui ont un sens désormais positif, l'innovation devient de plus en plus l'innovation productive et technique. Et ça, ça s'inscrit évidemment dans tout un mouvement de la première moitié du XIXe siècle, qui voit la transformation accélérée des métiers, des activités professionnelles, leur rationalisation, afin de répondre au nouveau projet de la modernité, qui est un projet d'expansion de la production, d'enrichissement généralisé de la population et de maîtrise croissante du monde naturel au service des intérêts de la population. Donc là, on a un changement de paradigme complet, parce qu'il faut, il y avait déjà des innovations, il y avait des innovations techniques qui existaient sous l'Ancien Régime, évidemment, mais ces innovations s'inscrivaient à l'intérieur même du monde des métiers. En quelque sorte, c'était les ouvriers, les spécialistes, les techniciens à l'intérieur de chaque métier qui amélioraient leur savoir-faire, leurs outils, leurs processus de production. Or, pour le dire de façon un peu simpliste, ce qui va se passer, c'est que ces innovations, ces transformations qui étaient internes à ce monde complexe des métiers, va venir de l'extérieur de plus en plus. Au fur et à mesure où des corps de professionnels, d'experts, des savoirs techniques vont expliquer désormais de plus en plus aux gens de métier comment ils doivent travailler, avec quel type d'outils, avec quel type de finalité. Et c'est ce grand basculement qui s'opère entre la fin du 18e et la première moitié du 19e siècle, qu'on appelle parfois révolution industrielle et qui va complètement transformer progressivement. Mais là, ça va être un processus évidemment très, très long. Mm-hmm. Hein, et depuis deux siècles, on peut dire que le processus tend à s'accélérer, quoi. Et oui, mais tout de même, arrêtons-nous sur ce qu'on appelle la révolution industrielle, parce que je pense que certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs vont être peut-être surpris, parce que évidemment, on a tous appris qu'il y avait une révolution industrielle qui se développait d'abord en Angleterre au tout début du 19e siècle, et puis ensuite progressivement dans l'ensemble de l'Europe et dans le reste du monde tout au long du 19e siècle. Vous dites ce qu'on appelle révolution industrielle. Pourquoi mettez-vous ces guillemets à révolution industrielle, et qu'est-ce qui justifie justement qu'il y ait une sorte de méfiance vis-à-vis de cette expression qui est pourtant adoptée par beaucoup depuis très longtemps? Oui. Alors, il faut rappeler que le mot révolution industrielle, en gros, date d'abord, c'est une invention d'économistes français des années 1830, observant ce qu'il se passe en Grande-Bretagne. La France, à l'époque, est considérée comme le pays de la révolution politique, là où la Grande-Bretagne devient le pays des transformations, des révolutions économiques. Et c'est un économiste qui s'appelle Adolphe Blanqui, qui, notamment au début des années 1830, va populariser cette expression de révolution industrielle pour dire que les moteurs des transformations historiques, c'est en France les mutations politiques, les révolutions politiques, et en Grande-Bretagne, c'est les révolutions industrielles. L'idée de révolution industrielle implique un processus à la fois extrêmement rapide, un processus radical, donc un changement complet des conditions de production. Or, depuis, donc, et cette notion de révolution industrielle, donc, c'est d'abord un terme idéologique, politique, qui vise à décrire la situation britannique et la décrire de façon inquiète et critique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter d'avoir en France les ravages sociaux qui caractérise la Grande-Bretagne de cette époque-là et qui frappe beaucoup les observateurs. Et puis ensuite, l'expression révolution industrielle va être reprise en Grande-Bretagne uniquement à la fin du 19e siècle. Et c'est là que va s'installer une historiographie économique qui va considérer que la fin 18e, début 19e marque un changement radical avec donc une transformation radicale des conditions de travail, du système technique de production, etc. Or, je vais rapidement, mais dans les années 60, à partir des années 70, cette idée de révolution industrielle qui s'était popularisée au XXe siècle, qui a été intégrée dans les manuels scolaires, qui est devenue le récit dominant pour expliquer les origines de la modernité, ce récit a été remis en cause par l'historiographie en soulignant que en fait, il ne s'agit pas d'une révolution, puisque le processus a été extrêmement lent, extrêmement progressif. En réalité, il s'est joué sur des siècles. On peut parler éventuellement de révolution industrielle pour décrire quelques régions britanniques où le processus s'est fait très rapidement. Manchester, par exemple. Voilà, les grandes régions de la révolution industrielle dans le textile, autour de Manchester, Liverpool, mais c'est en fait une petite région, et ça ne correspond pas du tout au modèle de transformation économique du reste du monde, y compris de l'Europe continentale. Et donc, il y a eu, dans les années 70-80, toute une remise en cause, toute une interrogation, et on a inventé tout un autre lexique pour décrire ces transformations. Par exemple, on a proposé l'idée de proto-industrialisation. Le modèle de la proto-industrialisation a en quelque sorte remplacé le modèle de la révolution industrielle dans l'explication historienne des transformations économiques. Et cette proto-industrialisation, pour expliquer en deux mots, c'est le fait que les transformations économiques reposent moins sur une transformation radicale avec l'invention de l'usine, l'invention de nouvelles machines, que sur une diffusion, en fait, dans les campagnes de métiers, d'activités productives dans un cadre rural. Donc on a 100 changements techniques radicaux par la mise au travail des ruraux lorsqu'il y avait des temps morts dans l'activité agricole. Et donc là on voit bien que ce qu'on appelle l'industrialisation est moins un processus révolutionnaire et radical qu'un processus très lent qui repose pas nécessairement sur le machinisme. Et bon, on peut dire, pour terminer là-dessus, que depuis quelques années, hein, du fait justement de ces bouleversements technologiques nouveaux, numériques, robotisation, qui sont sans cesse invoqués dans les médias et qui suscitent énormément de discours, il y a un certain retour des discours sur la révolution industrielle, qui est notamment portée par des ingénieurs, des prospectivistes comme Jeremy Rifkin, qui ont remis à l'ordre du jour cette idée de révolution industrielle, et eux qui parlent de révolution industrielle historique, pour tenter de réinscrire ce qui nous arrive aujourd'hui dans un continuum historique. Mais là, il y a un décalage entre les travaux des historiens et les discours publics. Hein, les historiens ont eu tendance à prendre leur distance à l'égard de ce discours, de cette rhétorique de la révolution industrielle, là où, en fait, dans l'enseignement de l'histoire, comme dans les médias de façon globale, on continue d'être polarisé par cette idée de révolution industrielle, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'à aucune autre époque, parce qu'on a le sentiment nous-mêmes de vivre un moment de bouleversement radical des conditions de production. Alors, nous allons revenir dans un instant avec vous, François Jarrich, sur ces bouleversements beaucoup plus lents que ce qu'on imagine entre le 18e et le 19e siècle. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Vous autres compagnons qui roulez la Provence, arrachez-vous les dents et n'ayez pas de panse. Bon bras plein de courage, bon corps pour travailler, faire beaucoup d'ouvrages et jamais rien gagner. Ces maudits provençaux sont pires que le diable, nous font boire de l'eau et coucher à l'étable. Mais les draps qu'ils nous baillent, grand Dieu qu'ils sont donc gros, ils ont servi de voile à tous leurs vieux vaisseaux. Ces maudits provençaux, si dans mon pays passent, je leur casse les os et brise leur carcasse. De la peau de leur rable, j'en fais faire un tambour pour appeler le diable qu'il vienne à leur secours. Jackie Bardot, parlant des compagnons dauphinois, tensant les provençaux qui viennent dans le Dauphiné, justement, peut-être pour prendre du travail. En l'occurrence, nous sommes avec vous, François Jarrich, depuis les studios de Radio France à Dijon, France Bleu Bourgogne, qui vous accueille en ouverture d'une série d'émissions de La Fabrique consacrée à l'histoire des métiers, leur naissance, leur développement et leur disparition. Alors, si on s'intéresse, après avoir évoqué cette révolution industrielle, qui n'en est pas une, à ce long temps justement de la transformation des métiers entre 18e et 19e siècle, vous êtes, vous, particulièrement spécialiste des résistances à cette modernisation, telle qu'on l'appelle, à cette arrivée très valorisée par certaines classes de l'inventeur au tournant du 18e et du 19e siècle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement d'abord de la matrice anglaise ou anglo-saxonne, plutôt anglaise d'ailleurs, de ces questions de transformation entre 18e et 19e siècle, et puis des résistances qui se mettent en place à partir de ce moment-là, et très vite, parce que on a peur justement que cette, entre guillemets, modernisation ne tue les métiers, ne transforme les corporations et ne conduise à briser des bras. Ouais. J'avais appelé le livre tiré de ma thèse au temps des tueuses de bras, parce que c'est une formule qui revient assez fréquemment au début du 19e siècle pour décrire les nouvelles grandes machines qui transforment dans toute une série de secteurs d'activité les conditions du travail. On parle des casseuses de bras, des briseuses de bras. C'est-à-dire, ce lexique des bras renvoie bien à ce qui faisait la spécificité du monde des métiers sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'incorporation d'un savoir-faire par un travail qui est d'abord quelque chose d'incorporé. D'ailleurs, les formes d'enseignement et le travail restent quelque chose de fondamentalement manuel, même s'il existe évidemment des tas d'outils par lesquels les travailleurs transforment la matière pour fabriquer des objets. Ce travail reste essentiellement manuel et le produit d'un complexe savoir-faire par l'imitation, par un enseignement oral. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la fin du XVIIIe, alors la matrice anglaise, la Grande-Bretagne va être, pour toute une série de raisons complexes sur lesquelles on n'a pas vraiment le temps d'insister, va être le point de départ d'un certain nombre, dans certains secteurs, en premier lieu le textile, va être le point de départ d'une transformation des conditions de production, transformation à la fois technique, mais aussi transformation de l'espace productif, puisque la transformation des métiers, c'est pas seulement une transformation technique, c'est aussi une transformation juridique, c'est aussi une transformation dans l'organisation de l'espace productif. Et donc, il y a toute une série d'évolutions qui font que le travail doit devenir plus productif. Et ça va s'accompagner de toute une série d'inventions. Et les premières grandes innovations techniques qui vont être identifiées à la révolution industrielle viennent d'Angleterre. C'est les machines à filer qui voient le jour à la fin du XVIIIe siècle. Dans les années 1770-80, vous avez énormément de brevets qui sont pris en Angleterre pour mécaniser les différentes opérations de fabrication du textile. Parce que c'est le textile, c'est le secteur le plus en pointe à l'époque, parce que c'est lui qui est porté par une demande croissante. Et c'est là que vont s'expérimenter les nouvelles conditions de production dans des usines concentrées avec des logiques d'automatisation du travail sous le contrôle, la surveillance de contremaîtres, c'est-à-dire tous les éléments caractéristiques du monde usinier moderne. Alors, ce qu'il faut bien voir, avec les résistances qui vont avec en même temps. Tout à fait. Alors ça, ce processus va entraîner énormément de perturbations. Il y a eu beaucoup de débats dans l'historiographie pour savoir si cette première génération de l'industrialisation anglaise s'accompagne d'une augmentation du niveau de vie, d'une amélioration du niveau de vie et des conditions de travail, ou au contraire d'une diminution. En réalité, les premières générations sont plutôt marquées par une diminution, à la fois une augmentation des risques au travail, les accidents, la dangerosité. Il y a très peu de systèmes, par exemple, pour sécuriser ces nouvelles machines, ce qui fait que les bras coupés, les cheveux arrachés des ouvriers deviennent proverbiales et inquiètent beaucoup. De même, les inégalités tendent à se creuser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le modèle anglais est à la fois quelque chose qui fascine, mais aussi un repoussoir qui inquiète énormément. Et d'ailleurs, et ça va s'accompagner de toute une série de révoltes, dont les plus célèbres, il faut en dire un mot rapidement, c'est ce qu'on appelle le ludisme, qui est très connu en Grande-Bretagne, qui est, parce que c'est considéré comme le point de départ du mouvement ouvrier britannique. Pendant plusieurs années, entre 1811 et 1813, vous allez avoir dans l'industrie textile anglaise de vastes révoltes ouvrières, alors qui ont plusieurs causes, plusieurs éléments d'explication, parce que 1811-1812, c'est une période de grave crise en Grande-Bretagne. Il y a le blocus. Voilà, il y a le blocus continental. Donc, il y a toute une série de conditions objectives qui font que il y a moins de travail en Grande-Bretagne. Et c'est aussi à ce moment-là que s'accélère la mécanisation du travail dans l'industrie textile, en particulier parce que beaucoup aussi d'ouvriers sont occupés par l'armée. Et donc, les industriels en profitent pour mécaniser. Sachant qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'au début du 19e siècle, la main-d'œuvre, le monde des métiers en particulier, inquiète énormément les élites, font peur. L'insubordination des ouvriers, des mondes du travail est un lieu commun qui revient en permanence. Mais il y a eu des exemples un peu antérieurs, puisqu'en 1769, on a détruit les machines à filer, le coton qui avait été inventé par Hargreaves dans des émeutes. Il y a eu des émeutes dans le comté de Lancastre en 1779. Donc on voit bien qu'il y a des moments, effectivement, où chaque fois qu'une innovation technique arrive dans certains milieux, eh bien, les ouvriers sont hostiles à cette innovation technique parce que, effectivement, elle prend du travail. Elle prend des bras et comme le disent certains, eh bien là on était 10 pour faire le même travail, et eh bien maintenant on ne sera plus que 1 ou 2 ou 3. Voilà, c'est-à-dire que les émeutes du ludisme s'inscrivent à la fin, et là c'est marque l'apogée d'un cycle qui dure depuis des décennies en Grande-Bretagne, de conflits sociaux lors de l'arrivée de nouvelles machines. Et on a la même chose en France. En 1789, le 14 juillet 1789 à Rouen, il y a une grande émeute collective dans la ville. Et au terme de cette émeute, une machine à filer qui venait d'être importée d'Angleterre, justement, est incendiée en place publique. Donc il y a une forte conflictualité sociale dans un certain nombre de secteurs d'activité autour de ce changement technique. Les ouvriers, en gros, protestent. Il y a tout un lexique, il y a toute une série d'arguments pour s'opposer à ces machines. Les ouvriers mettent en cause à la fois la perte de qualification, puisque les savoir-faire des métiers sont ce qui fait la propriété, ce qui fait la richesse d'un métier. Or, ces techniques visent à éliminer ces savoir-faire, précisément pour transformer l'ouvrier qualifié en manœuvre disposant plus facilement maîtrisable et contrôlable. Et il ne faut pas perdre de vue qu'au lendemain de la Révolution française, l'idée de contrôler des classes populaires, un monde du travail marqué par l'insubordination permanente, est un grand facteur de justification et de légitimation du machinisme naissant. D'ailleurs, en Angleterre, les principaux ouvriers briseurs de machines et protestants contre cette mécanisation, c'était un groupe ouvrier, un métier qui a totalement disparu, qu'on a oublié, qui est peut-être l'un des premiers métiers à avoir été laminé par la mécanisation. C'est ce qu'on appelait les tondeurs de draps, qui ont été beaucoup étudiés par Gérard Gaillot, un historien de Lille, qui a beaucoup travaillé sur l'industrie textile et sur ces tondeurs de draps. Et il a montré comment, au cours du XVIIIe siècle, les tondeurs de draps sont devenus un métier qualifié, très, c'était des ouvriers qui savaient s'imposer, qui savaient faire grève et cloque pour imposer des conditions salariales importantes. Et le rêve des patrons du textile au début du XIXe siècle, c'est d'éliminer ce métier, à la fois pour baisser les coûts de production et se libérer en fait de ce monde du travail très récalcitrant. Ouais. Ce qui est très intéressant, François Jarige, c'est que il y a glissement effectivement des positions des ouvriers tout au long du XVIIIe siècle vis-à-vis justement de ce qui est en train de leur arriver. Mais il y a surtout glissement d'une partie de l'élite. Une partie de l'élite commence à changer d'opinion, puisque la question de la modernité technique, même si elle ne s'appelle pas comme cela à ce moment-là, entre, mettons, les années 1730 et les années 1830, eh bien, est prise d'une autre manière par ces élites intellectuelles. Vous citez dans certains de vos travaux Carteau de la Villatte, qui se félicitait en 1736 que Louis XIV ait eu une conduite généreuse en proscrivant l'usage de certaines machines qui, simplifiant le travail, rendaient inutile la moitié des ouvriers. Donc on avait une élite là qui disait, eh bien, tout compte fait, il faut que tout le monde puisse manger à sa faim, tout le monde puisse travailler. Ça n'est pas la peine de faire introduire des machines pour justement remplacer les bras des ouvriers. Et évidemment, tout au long du 18e et au tout début du 19e siècle, tout cela va changer avec une élite industrielle, une élite gouvernementale qui va plaider au contraire pour la mécanisation, en particulier parce qu'elle mettra en difficulté des ouvriers qui ont trop tendance à devenir des émeutiers. Tout à fait, ça c'est évidemment fondamental. Il y a une historienne qui s'appelle Liliane Hilaire-Pérez qui a bien travaillé sur ce changement de statut de l'innovation au cours du 18e siècle, avec un livre qui s'appelle L'invention technique au siècle des Lumières, et qui a bien montré ce basculement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au 18e siècle, pour les élites, le progrès, y compris l'accroissement de la richesse des nations, ne passe pas par la mécanisation. L'innovation technique et le progrès technique ne sont pas encore les moteurs de l'histoire et ne sont pas soutenus massivement par les élites comme moteurs de l'histoire. La richesse des nations, y compris chez des théoriciens comme Adam Smith, passe bien davantage par l'accroissement du commerce ou par la division du travail que par la mécanisation. Dans la richesse des nations, Adam Smith ne fait pas de la grande machine, du machinisme, le facteur du progrès des sociétés. Or, là, les choses, donc c'est dans les années 1770, les choses ont complètement changé dans les années 1830, où de plus en plus, en particulier l'économie politique, fait du progrès technique la condition de possibilité même du changement technique. Et là, c'est très important, parce qu'il y a un changement à l'intérieur même des élites, et il y a un changement aussi intellectuel très important. C'est-à-dire que cette légitimité nouvelle du progrès technique et des grandes machines productives se fait parallèlement à l'essor d'une nouvelle science qui va accompagner le processus. C'est celle qu'on appelle l'économie politique. Je citerai juste rapidement Jean-Baptiste Say, c'est lui qui va importer notamment cette économie politique qu'on appelle industrialiste en France. Et Jean-Baptiste Say, à l'époque de l'Empire, publie toute une série de traités d'économie politique où il explique pourquoi le progrès technique est la condition de possibilité du progrès des sociétés et pourquoi les ouvriers ne doivent pas briser les machines. Et notamment, c'est là qu'il invente ce qu'on appelle la théorie du déversement. C'est-à-dire qu'il explique aux ouvriers, dans son traité d'économie politique publié en 1803, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Des ouvriers et des machines » où il explique aux ouvriers pourquoi ils ne doivent pas briser les machines. Parce que si, effectivement, les machines créent de la misère ponctuellement ou transforment ou font disparaître telle ou telle activité, en même temps, dit Jean-Baptiste Say, ces ouvriers qui ont perdu leur travail en trouveront d'autres dans d'autres secteurs selon un processus dit de déversement. Donc c'est la théorie qui est encore en vigueur en gros aujourd'hui chez les économistes. Il n'y a pas de destruction d'emplois, il y a juste une destruction créative, comme on dit aujourd'hui. Voilà, Schumpeter. Destruction créatrice, c'est-à-dire les ouvriers qui ont perdu leur emploi pourront en trouver dans d'autres. Alors le problème, c'est la phase de transition. transition. Et c'est, disent, la transition doit passer par des aides sociales pour accompagner la reconversion et doit passer aussi par l'éducation, puisqu'il faut permettre aux ouvriers de se former pour retrouver du travail dans d'autres secteurs d'activité. Donc vous voyez, là, aide sociale et éducation pour accompagner la transition, on a les mêmes mécanismes qui sont encore aujourd'hui invoqués pour accompagner la transition dite numérique. Mais alors, donc mais... ça, évidemment, il y a un changement intellectuel là majeur. Il faudra évoquer aussi les ingénieurs, l'invention d'une nouvelle science technique, l'invention des spécialistes de la technique, qui fait que le monde des métiers va être de plus en plus séparé entre, d'un côté, un monde du travail chargé d'appliquer, et de l'autre côté, un monde d'experts, de techniciens, chargés de concevoir. Et cette séparation entre des experts et des manœuvres, qui n'existait pas vraiment, d'une certaine manière, dans les sociétés rurales ou artisanales anciennes, va se durcir, se creuser, et entraîner une crise profonde de ce qu'on appelle les métiers. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'en même temps que Jean-Baptiste C développe ses idées inspirées par, dit-il, par Adam Smith au tout début du 19e siècle, eh bien un autre publiciste qui s'appelle Pierre-Édouard Lemonté, sur lequel vous avez travaillé, publie en 1801 des textes qui dénoncent l'orgueil de soumettre tout au calcul, cet orgueil qui a jeté les institutions dans les institutions une profonde sécheresse, l'idée qu'effectivement on perdrait à tout calculer, à tout mesurer, à tout industrialiser d'une certaine façon par le calcul, alors qu'il y avait auparavant des hommes derrière les métiers, en l'occurrence. Donc on voit bien qu'il y a aussi un discours qui se met en place pour contester justement cette mécanisation en train de se mettre en place. Ce nouveau discours fondé sur la science économique naissante n'était pas du tout dominant. C'est-à-dire que dans les lectures a posteriori, on pourrait avoir l'impression que Jean-Baptiste Say est une figure dominante. Mais en fait, l'économie politique avant 1848-1860, c'était une discipline minoritaire, dominée. Et il y avait de nombreuses contestations. Alors, on a évoqué les résistances concrètes d'un certain nombre de groupes professionnels. Je crois que vous allez reparler des typographes. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les typographes, parce que les typographes, c'était un métier lettré au cœur des institutions de pouvoir dans les villes, et les typographes ont brisé des machines aussi régulièrement en 1830, en 1848. Ils ont été parmi ceux qui ont peut-être le plus résisté à la transformation de leur métier. Mais à côté de ces résistances et de ces protestations ouvrières, qui sont évidemment moins visibles pour l'historien ou pour l'observateur parce que ces gens écrivaient moins, même si les typographes, eux, écrivaient, vous avez beaucoup de discours critiques. Donc vous avez raison d'évoquer Pierre-Édouard Lemontet qui a écrit toute une série de petits textes dans lesquels il dénonçait la division du travail et le machinisme dans lesquels il voyait la source d'une aliénation croissante de ce qu'il appelait l'ouvrier-machine, c'est-à-dire l'ouvrier qui a perdu son métier pour devenir un pur prolétaire attaché à une machine et à une tâche répétitive et dont il faisait finalement une sorte de machine elle-même. Et donc, dès le début du 19e siècle, dès l'Empire, il y a cette inquiétude qu'on retrouve en permanence dans la première moitié du 19e siècle. Et il faut citer peut-être rapidement au moins un autre auteur, c'est Jules Michelet. Dans Le Peuple, en 1846, Jules Michelet a aussi des pages tout à fait fascinantes sur la crise des anciens métiers, sur l'appauvrissement des savoir-faire, sur le modèle britannique qui est perçu avec beaucoup de critiques. Jules Michelet avait visité l'Angleterre et avait été heurté par les grandes usines textiles qu'il avait vues. Oui, il faut lire les pages formidables qu'il écrit dans son journal qui vient d'être republié, je crois que c'est en folio Gallimard par Perrine Simon-Naoum. Il y a les pages formidables justement de son voyage en Angleterre et de sa découverte justement de ces usines anglaises dans les années de la première moitié du 19e siècle, en l'occurrence, pour comprendre pourquoi il insiste sur cette question de l'aliénation des ouvriers en particulier. Ouais, il a dans son livre, il a aussi des très belles pages, par exemple, sur la figure du tisserand, qui est l'incarnation même du métier ancien, artisanal, fondé sur un non-savoir-faire, puisque travailler sur les anciens métiers à tisser, à domicile dans un cadre rural, était une tâche complexe. Et c'est l'époque, dans les années 1820-1830, où en Grande-Bretagne, le tissage commence à être industrialisé, avec l'invention des métiers à tisser automatiques, mus par l'énergie de la vapeur ou des grandes roues hydrauliques. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la même époque, en France, le tissage rural, dans un cadre proto-industriel ancien, est à son apogée à cette époque-là. Là, au moment même où les tisseurs les tisseurs à domicile disparaissent presque tous. Il y en avait des centaines de milliers au début du 19e siècle en Angleterre. Ils disparaissent presque tous dans la première moitié du siècle. En France, au contraire, le tissage à domicile reste extrêmement dynamique. On assiste même, c'est pour ça que la situation est complexe, à un processus inverse. Il y a un retour du tissage rural à domicile, avec ce que les historiens ont parfois appelé la ruralisation de l'activité du tissage. C'est-à-dire, pour fuir les villes considérées comme trop dangereuses, un certain nombre de fabricants vont disperser des métiers à tisser dans les campagnes à l'époque de la monarchie de Juillet, notamment dans le Dauphiné, dans la région lyonnaise. Donc on a un processus complexe, puisque la concentration dans des usines, la mécanisation n'est jamais un processus univoque et uniforme. Ça varie dans l'espace, dans le temps, dans la chronologie. Au moment même où certains métiers disparaissent dans certains endroits, ils peuvent rester très dynamiques, très importants dans d'autres contextes. C'est cela aussi qui rend cette histoire des métiers aussi riche et aussi complexe à appréhender. Oui, et vous citez dans plusieurs de vos ouvrages ce vieux typographe victime de l'arbitraire en 1830 qui, dans son texte qui s'appelle Les justes alarmes de la classe ouvrière au sujet des mécaniques, dit « Les machines plus voraces que les monstres terrassés par Hercule sont contraires à l'humanité, aux droits de la nature et de l'industrie et à l'intérêt général des membres de la société. » Il rejoint en cela des économistes comme Sismondi, que vous citez aussi, qui critiquent l'avilissement de la force de travail et l'augmentation des souffrances sociales qui sont liées justement à cette mécanisation en cours. Tout à fait. Henri Jador, c'est l'exemple typique de ce typographe. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les typographes étaient des gens qui étaient lettrés, organisés, qui travaillaient souvent dans les centres-villes, en ville, et donc qui avaient des formes de sociabilité qui leur donnaient la possibilité de se faire entendre, beaucoup plus que des métiers moins visibles, inscrits dans un cadre rural ou dans des petites villes. Là, les typographes écrivaient, avaient leurs propres journaux. Et ces brochures d'Henri Jador datent du début des années 1830, visant à justifier les soulèvements qui ont eu lieu au lendemain de la révolution de juillet, lorsque des centaines d'ouvriers typographes ont été détruits dans les ateliers de l'imprimerie nationale et dans les ateliers du grand journal Le Constitutionnel, les premières machines à imprimer qui avaient été importées d'Angleterre dans les années précédentes, dans les années 1827-1828. Or, 1830, c'est un moment de grave crise économique et sociale en France. Une partie des typographes se retrouve sans travail parce qu'il y a une baisse de la demande. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à introduire des machines. Et donc, la conjonction entre ces deux phénomènes pousse des ouvriers typographes à profiter de la révolution pour énoncer leurs revendications et s'ameuter. Et pendant 3 mois, à la fin de l'été, début de l'automne 1830, les typographes ont mis en interdit tous les ateliers de Paris qui utilisaient des machines. Un certain nombre ont été incarcérés. Et c'est pour justifier ces actions que Henri Jador publie une série de brochures où il explicite pourquoi il s'oppose à ces machines. Sachant qu'ils expliquent bien qu'ils ne sont pas contre un progrès général. À l'époque, cette notion de progrès abstrait, absolu, a peu de signification. Il s'oppose à des mécanismes économiques, à des formes de mécanisation dans certains contextes qui apparaissent comme destructrices beaucoup plus que créatrices de richesses. Oui, et d'ailleurs, effectivement, il y aura un peu plus tard, vous le citez, sous la plume de Émile Souvestre, un personnage qui s'appelle John Progrès, c'est assez amusant, en 1846, donc qui incarnera cette question vraiment en chair et en os, cette question du progrès devenu plus proche des ouvriers, en particulier de ce qu'on appelle les ouvriers machines. On se retrouve dans un instant avec un petit côté de nostalgie. Bernard Lavilliers chantait les mains d'or, c'est-à-dire ces industries qu'il avait fréquentées et qu'il ne fréquentait plus. Grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge, et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes. Nous sommes avec vous, François Jarige, en ouverture d'une série d'émissions consacrées à l'histoire des métiers, leur apparition, leur vie et leur disparition parfois. Alors, je voudrais venir sur l'interprétation de votre propre travail, de ce que vous avez pu lire en travaillant sur ces tueuses de bras et les contestations techniques des ouvriers contre la modernisation technique qui était prônée par beaucoup de ceux qui ont créé les industries du 19e siècle. Parce que on lit souvent que c'était des gens qui étaient nostalgiques des périodes précédentes, qui n'aimaient pas le progrès, qui n'aimaient pas la modernité. D'où vient ce discours qui critique justement ceux qui cassaient les machines et pourquoi avez-vous choisi justement de prendre ce sujet d'une autre manière en tant qu'historien, François Jarige ? Bah, pour faire mon travail d'historien, il y a une phrase que j'aime bien d'un historien anglais qui est une référence incontournable sur toutes ces questions, c'est l'historien Edward P. Thompson, le grand historien de la classe ouvrière britannique, qui disait qu'il essayait de sauver de l'immense condescendance de la postérité les acteurs du passé. Et je crois que dans ces affaires, on a beaucoup de discours idéologiques, de discours qui sont construits après coup pour légitimer des trajectoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de ne pas avoir de jugement condescendant sur ces acteurs disparus, sur ces vaincus de l'histoire, et d'essayer de comprendre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Or, en mobilisant des grandes catégories générales comme la modernité, le progrès, qui sont en fait des catégories abstraites forgées par les élites pour justifier une nouvelle conception du temps qui se met en place au 19e siècle, une conception linéaire, évolutionniste du temps, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe concrètement. Or, ce qui se passe concrètement, c'est que ces ouvriers qui protestent, dont les violences dont on parlait sont juste la face émergée de l'iceberg, il y a plein d'autres manières de protester, beaucoup moins visibles pour l'historien, mais comme l'historien est dépendant de la police et de la justice, la violence collective permet de faire ressortir toute une série de choses qui resteraient cachées autrement. Mais en fait, les ouvriers résistent de plein de manières pour conserver leur mode de vie, leur sociabilité, des choses conserver la richesse de leurs activités, de leurs métiers qui se sont mises en place progressivement. Donc moi, ce que j'essaye de penser, c'est pas juste que d'un côté, il y aurait des gens qui auraient raison, qui seraient dans le sens du progrès, et de l'autre, des réactionnaires retardataires. J'essaye de comprendre comment l'histoire contemporaine a été modelée, a été façonnée, en fait, par des négociations incessantes entre ces catégories sociales. Et ces bris de machine, c'est pas la résistance de réactionnaires à l'égard de la modernité. La réaction, la modernité, tout ça, c'est des choses un peu globales. Ce sont des formes de négociation entre des catégories aux intérêts contradictoires. Puisque les ouvriers n'étaient pas contre le progrès, d'ailleurs ils le disent tous dans leurs écrits, ils sont pour le progrès, ils sont pour l'amélioration de la qualité des produits, de la qualité du travail, des conditions de vie, des conditions de travail de la population. Mais ils considèrent justement qu'un certain nombre d'évolutions qui sont promues et vantées par ces élites ne vont pas dans le sens de ce progrès. Donc le progrès, c'est toujours une question de point de vue, hein, et c'est le progrès pour qui, pourquoi, au dépend de qui, au dépend de quoi. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail sur ces conflits sociaux, c'est qu'en réalité, ce qu'on peut appeler la modernité industrielle a été aussi le fruit de négociations entre des intérêts, des points de vue, des répertoires d'action opposés. Donc ces ouvriers, hein, si on prend le cas des typographes, mais si on prend le cas de beaucoup d'autres, les ouvriers qui sont le plus en pointe pour résister à ces évolutions sont pas du tout des prolétaires, des ouvriers de la grande industrie. Ce sont en général les ouvriers qui sont les plus compétents, les plus qualifiés, les mieux insérés dans des organisations collectives avec leur sociabilité, etc. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur redonner la parole avec compréhension, essayer de comprendre ce qu'ils faisaient et pas simplement me contenter de les disqualifier après coup une fois de plus. Mais c'est quelque chose de massif dans l'historiographie des dernières décennies. C'est une histoire qui se veut compréhensive. On essayait de faire ressurgir la richesse, la diversité des points de vue, des expériences du passé et pas seulement reproduire ces discours idéologiques qui naissent au 19e siècle pour légitimer en gros la situation et la situation dominante et la situation présente. Discours idéologique qui continue au 20e siècle. Vous notez par exemple qu'Alfred Sauvy, par exemple, a été un de ceux qui a disqualifié justement tous ceux qui brisaient les machines, justement au nom d'une vision du progrès qu'il défendait, d'un progrès technique, économique, industriel et aussi de la société en l'occurrence. Et on voit bien effectivement qu'il y a dans cette critique de ce que faisaient les ouvriers en brisant leurs machines une volonté qui est de dire il faut s'adapter à cette société qui change, il faut permettre à chacun de rentrer, de se mouler dans les nouveaux cadres qui sont les cadres inventés donc pour pouvoir aller plus loin dans ces révolutions techniques et qu'effectivement ceux qui ne veulent pas rentrer dans ces cadres sont mal vus en l'occurrence François Jarige. Oui, bah là on restait sur le 19e, mais en fait le processus va se rejouer de façon permanente à la fin du 19e siècle. À chaque changement de système, en gros, des relations sociales et des systèmes techniques du capitalisme industriel, on va assister à ce double discours. D'un côté, des vaincus qui essayent de résister ou de négocier les transformations en cours et ça va être le rôle historique des syndicats de donner des outils d'intervention, d'action pour négocier ces transformations, mais à chaque génération, à la fin du 19e siècle, dans les années 1930, à l'époque de la modernisation d'après 1945, dans les années 70, aujourd'hui, à chaque époque de transformation du capitalisme industriel, on a cette lutte en fait, entre d'un côté des gens qui sont inscrits dans des organisations, qui ont des modes de vie qui se sont installés, et de l'autre côté des gens qui prétendent tout bouleverser. Et donc évidemment c'est assez logique qu'il y ait des frictions, des tensions. Et ça, dès le 19e siècle, la figure de l'ouvrier refusant de s'adapter à quelque chose perçu comme inéluctable, le sens du progrès, ça devient un lieu commun qui va être diffusé dans toute une série de publications, qui va être diffusé par la pédagogie, par l'école. Et en fait, c'est un lieu commun qui a une fonction idéologique, puisqu'il est tout à fait normal pour des ouvriers, pour des gens de métier dans différentes situations, de négocier, d'essayer d'intervenir, et de ne pas simplement s'en remettre au point de vue de ceux qui veulent transformer leur vie. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'à chaque génération, il y a des métiers qui disparaissent, et il y en a d'autres aussi qui renaissent, ouais, qui naissent, ou qui se transforment. Et donc, il y a des métiers, vous avez cité, il y a eu la belle chanson sur les ouvriers du fer de la Lorraine qui rentrent en crise dans les années 70. Là, on a un exemple typique. Les ouvriers du fer, le travail de la sidérurgie, la Lorraine industrielle, c'est une invention de la deuxième moitié du 19e siècle. Et là, on va voir apparaître de nouveaux groupes professionnels avec leurs identités, leurs forces qui vont subsister un siècle et qui vont disparaître avec les délocalisations des années 1970. Il y a la même chose avec les mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, c'est pas un groupe professionnel, un métier qui existe de toute éternité. Jusqu'au 19e siècle, les mineurs, c'était des paysans qui acceptaient de temps en temps d'aller descendre à la mine. C'est seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle que le travail du mineur va se professionnaliser, devenir un métier spécifique avec son identité, ses formes de vie, ses formes d'habitat propres qui vont durer un siècle. Et évidemment, dans les années 70, lorsque le monde des mineurs s'est stabilisé, a ses propres rituels, ses références culturelles, etc., lorsque ce monde-là va disparaître très rapidement avec la désindustrialisation, le déplacement dans l'espace des activités productives, ce monde va rentrer en crise. Et quand ce monde rentre en crise, c'est des univers sociaux, des représentations culturelles, des formes même de langue qui s'effondre, et en s'effondrant, évidemment, il suscite de plus en plus d'inquiétudes. Alors le problème, c'est que ces phases de transition, de destruction, s'accélèrent d'une certaine manière. Mm-hmm. D'où ce sentiment d'urgence, d'où cette inquiétude, d'où ces crises à répétition qui caractérisent le monde du travail. Ouais. Et on voit bien, et c'est fort intéressant, en vous lisant vraiment avec le regard d'aujourd'hui, on voit bien comment il y a aussi dans ce 19e siècle cette idée que les machines peuvent être être des prolongements des corps. Vous citez Michel Chevalier, qui était un Saint-Simonien, qui dans les années 1860, justement, développe ses idées de la machine comme prolongement des corps, et toute la question de la robotique, la robotisation, mais aussi le transhumanisme que nous connaissons aujourd'hui, eh bien nous rappelle effectivement qu'il n'y a pas que de la nouveauté dans ces supposées inventions de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Ah bah moi, si vous voulez, mon point de vue un peu brutalement, puisque le temps passe vite, je pense que le discours et, je dirais même, le baratin idéologique sur le déferlement numérique et surtout sur la robotisation, c'est juste un ripollinage du vieux projet d'automatisation industrielle qui, à chaque génération, change de nom. Vous savez, le terme robot, c'est d'abord un terme qui vient de la science-fiction. Mm-hmm. C'est une pièce de théâtre de l'entre-deux-guerres de Karel Pacek qui invente le mot robot dans une de ses une pièce de théâtre où il décrit un avenir où tout est fait par des robots, des espèces de machines humanoïdes qui produisent tout automatiquement, ce qui entraîne une révolte. Et dans les années 70, lorsque l'ancien taylorisme rentre en crise et qu'il faut réinventer un nouveau processus de modernisation, on va remplacer les anciens mots de machinisme, automatisation, par un nouveau langage qui est plus à la mode, et on va importer en fait le langage de la science-fiction dans le monde industriel, et on va appeler ça la robotisation. Mais un robot, c'est un agent automatique, c'est un agent autonome. Or, une machine industrielle, c'est déjà une machine autonome. Mmh. Donc le débat, c'est sur le degré d'autonomie. Mais comme le savent tous les ingénieurs et les spécialistes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il n'y a pas, pour l'instant, de machine complètement autonome. Donc en fait, ce qu'on appelle robot, c'est jamais véritablement un robot. Donc moi, depuis 30 ans, depuis 20-30 ans, l'essor du discours de la robotisation, c'est simplement une réinvention d'un nouveau langage pour rendre plus moderne le vieux projet d'automatisation et de contrôle social au travail pour accroître en fait la productivité dans un contexte évidemment de mondialisation, de concurrence toujours plus exacerbée qui pousse les industriels à réinventer et à bouleverser en permanence les conditions de travail. Et évidemment, vous continuez à travailler sur ces questions très régulièrement, en organisant des colloques, des débats, en écrivant certains de vos livres aussi, comme par exemple La modernité désenchantée, qui, avec Emmanuel Furex, grand spécialiste du 19e siècle comme vous, eh bien, dans laquelle vous essayez, justement, François Jarive, de montrer comment cette idée de cette modernité qu'on nous a vendue comme étant le symbole même du 19e siècle était peut-être plus contestée, plus débattue que ce qu'on en dit habituellement, François Jarige. Oui, je pense que c'est l'un des acquis de l'historiographie des dernières décennies, d'avoir montré que le récit progressiste, linéaire, qui a longtemps été proposé du 19e siècle, en réalité correspond pas à une réalité qui était beaucoup plus complexe. Dans tous les champs, en fait, cette modernité ne s'est pas imposée de façon naturelle. Elle a été énormément interrogée, discutée, contestée. Regardez, Je travaille un peu moins sur ces questions, puisque de plus en plus, je me tourne vers l'histoire environnementale, l'histoire des pollutions, mais ça continue d'avoir évidemment des liens. L'histoire de l'énergie, c'est des questions qui m'intéressent. Vous citez votre livre avec Thomas Leroux, justement, sur la question des pollutions industrielles en particulier. Et travailler sur les pollutions, c'est une manière aussi de sortir un peu de l'atelier, de l'usine, de l'espace productif proprement dit, pour voir ce qui se passe autour de l'usine et voir comment se nouent ou non des conflits, des tensions, des liens entre l'intérieur de l'espace productif et l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des enjeu, c'est ça, c'est de décloisonner aussi l'histoire sociale, l'histoire du travail, de seulement la sphère productive pour élargir à l'ensemble du reste de la société. Sur ces questions, si je peux me permettre, j'avais aussi dirigé un livre collectif qui s'appelait Domptez Prométhée, oui, sur l'histoire du socialisme au 19e siècle. Technologie et socialisme à l'âge romantique, voilà. Aux presses universitaires de Franche-Comté, qu'il faut effectivement conseiller. Merci beaucoup. Merci à vous, François Jarige, d'avoir ouvert cette série d'émissions consacrée à l'histoire des métiers, leur vie, mais aussi parfois leur disparition. Remercions Richard Lardry qui était le technicien de France Bleu Bourgogne, donc qui vous a accueilli dans ses studios. Marion Dupont et Céline Leclerc ont préparé comme d'habitude cette émission. Clément Daté était à la technique à Paris et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Demain, nous parlerons revalorisation des métiers manuels, ou plutôt discours sur la revalorisation des métiers manuels dans les années 1970. Mercredi, nous parlerons de l'invention des métiers de bureau à l'époque moderne. Et jeudi, le documentaire portera sur un sujet qui était très brièvement abordé par François Jarige aujourd'hui, à savoir les typographes, leur métier.